Spencil. Quand je fume, mes yeux sont vert, blanc, rouge comme le drapeau de l'Algérie. Sens-tu que des tas de fer s'engouffrent dans le gouffre au-delà des villes. Dans ce bocal amnésique, il y a trop de bactéries qui pataugent à la dérive et papotent à la mairie. Ils parlent des immigrés sinistrés qui veulent s'immiscer dans la France divisée, qu'ils veulent déciviliser. Mais moi je pense, s'ils lisaient parfois, ils finiraient par voir qu'initier à la milice et se limiter à croire. Et je dis qu'il n'est pas droit de stigmatiser des peuples. Le dictat dit des tabacs, évite d'attiser le feu. Ouais, vivre assisté des keufs, c'est pas mon idée de la liberté. Faut vibrer à l'idée d'être guidé par l'ivresse des livres, dire que l'État fait ses bises, qui les a virés ces types. Je suis tétanisé et triste d'idéaliser l'élite, car la force est dans le peuple. Le peuple n'est pas une machine, le peuple n'est pas unanime quand la France est en deuil. Les flics pactisent, il faut s'affranchir. Les flics pactisent, car la force est dans le peuple. Get ready, prepare, boom. Sache que je rendrai les coups, mais pas les armes. Pas les armes. Quoi dire, quoi faire en situation de crise. Les flics pactisent, attisent la haine, c'est cette dernière qui tuera ton fils. Il faut s'affranchir vite, fuir ce tas d'ennuis. Montrez pas de blanche aux types, clean qui t'attendrissent mais veulent ton argent. Réfléchis aux convictions, c'est pourquoi je peaufine mon style. J'oscille entre les bons types et tous les profiteurs. Les consignes sont dignes d'un mauvais film. J'ai aussi peur des comptines sordides, je veux mon bif pire. Donner des front kicks si c'est ma prose qu'ils veulent. Hostiles sont mes pensées envers ceux qui m'entourent. Tu vises le but, tu tires en touche. Décontenancé, j'évite les pires embrouilles. Et puis sans flou, tu sers à rien dans ce complot libéral. La sens comme un disque en boucle, fat comme l'eau minérale. Je m'égare, j'ai pas la notion de tout ce qui est à faire pour établir la parité, la bipolarité. Force à quitter ma tête, aussitôt lapidé mon compte en banque fluctue. Je veux changer, je pense à prendre exemple sur le fait de me placer entre deux cultures. Les flics pactisent, il faut s'affranchir. Les flics pactisent, car la force est dans le peuple. Get ready, prepare, boom. Sache que je rendrai les coups, mais pas les armes. Pas les armes. Dans la vie, on gagne pas tous. Capino Black, c'est pas la carioca. Méga s'aligne au garde, avoué mon stable. Il trace la route, y'aura pas mis l'occasion. Nabda, on sent déjà has-been. Voir les gars, mine au regard farouche. Y'a plus d'art sans guerre, ils font des abus par centaines. Vu que l'argent se fait rare, c'est par les deux boucles. Et t'as brûlé la chandelle, histoire des bavures d'agents stress. Ils te coincent sur la pointe des yeps. C'est point faire mes frappes sans avoir bien sûr le moindre prétexte. Je resterai écouter ça, j'ai calme, j'éviterai de ramer. Sache que je rentrerai les coups, mais pas les armes. Et j'irai par les cages, rap pour les tarés déprimés. Pour les mal aimés qui se perdent dans la foule des damnés réprimés. Tous égarés, l'esprit fébrile, troublé par des vérités bêtes. Sous les craques et mes filtres en prime, j'ai la liberté de pirave. Ou celle d'Apple et les flics, j'explique tous mes gaffes et les savent. Que sous les aspes et les teams se regroupent, les types se bougent. Nouvelle arme s'équipe. Les flics pactisent, il faut s'affranchir. Les flics pactisent, car la force est dans le peuple. Get ready, prepare, boom. Sache que je rendrai les coups, mais pas les armes. Pas les armes.